parler au quotidien. Yvan Amar. Evelyne Latanzio. Si je vous proposais, Evelyne, qu'aujourd'hui nous travaillions dans le génie, qu'est-ce que vous en diriez? Je vais relever mes manches parce qu'il va falloir quand même qu'on creuse un peu la cervelle. Chic. Alors, ce qu'il faut peut-être dire d'entrée de jeu, c'est qu'à l'origine de ce mot génie, qui a des sens très très différents quand même dans la langue française, eh bien, il y a un mot latin, genius ou genius, selon qu'on le prononce à l'ancienne ou à la moderne. Et le genius, vous savez, vous ne savez pas, mais vous allez savoir. Eh bien, c'était un petit être surnaturel, une petite divinité tutélaire qui était attachée à chaque Romain à la naissance et qui disparaissait d'ailleurs avec lui. Mais ce même mot de genius, comme un peu le daimon en grec, désignait toute une série de petites divinités, en général assez sympathiques, intermédiaires entre les hommes et les dieux, qui s'attachaient aux fontaines, aux forêts, aux bois, à la mer, etc. En littérature, si vous lisez aujourd'hui les fables de La Fontaine, vous les trouverez derrière les bois, dans les taillis. Derrière les fagots aussi. Par exemple. Mais c'est davantage le cas lorsqu'on lit des contes orientaux. Il y a des milliers de génies, d'elfes, un petit peu farceurs, vous savez. Eh bien, ce terme de génie, il est passé en français dans une langue française qui a donc été largement christianisée. On parle de bon et de mauvais génie. Un bon génie, mon Dieu, c'est celui qui vous inspire les bonnes actions de votre vie. Ça correspond un tout petit peu à l'ange gardien, sauf que ce peut être une personne réelle. Ah, sa cousine, elle a une bonne influence sur lui, c'est son bon génie. Mais par contre, son cousin Gaston, c'est son mauvais génie. Il va le pousser à ne pas travailler, à fumer des cigarettes, à boire de l'alcool, à lui dire « viens, on va au cinéma », etc. C'est ça le mauvais génie, c'est le tentateur. Hein. Celui qui vous pousse sur la pente descendante. Savonneuse, oui. Mais il y a un deuxième mot du vocabulaire latin qui a donné naissance au mot génie, c'est le mot « ingenium » ou « ingenium » si on le prononce à l'ancienne. Seulement, il a un sens un peu différent. L'ingenium, c'est l'ensemble des caractères propres, aussi bien d'un homme, d'une personnalité, que d'un peuple, que d'une langue. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut comprendre l'un des sens du mot « génie » en français. On parle du génie italien, ce n'est pas que les Italiens soient plus intelligents que les autres, ou pas forcément, mais c'est l'italianité, si vous voulez, c'est la spécificité du caractère des Italiens. De même pour une langue, hein, le génie de la langue française, le génie de la langue anglaise sont des caractères propres à ces langues. Par exemple, en anglais, on peut très facilement forger des mots composés, des mots chocs. Eh bien ça fait partie du génie de l'anglais. Alors c'est un sens un peu restreint, un peu ancien, qu'il ne faudrait pas confondre, justement, vous l'avez dit, avec le sens plus moderne. Le génie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'excellence. C'est ce qui permet la création, l'innovation, Mozart, Einstein, Michel-Ange. Et Evelyne Latanzio, bien sûr, voici des hommes de génie, voilà une femme de génie, on peut dire, en substantivant le mot, en le prenant comme un nom commun, c'est un génie, toujours masculin, même si c'est vous Evelyne, vous êtes un génie, pas une génie. Hein. Alors, avec le goût de l'excès qui caractérise tout utilisateur de la langue, il est évident que le sens s'est affaibli. Lorsque l'on dit « Oh, il y avait des embouteillages hier rue de Rivoli et Marc a une idée de génie », il a pris par la rue des Trois Chemins, ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas une idée de génie, c'est une astuce, c'est un truc. Là, le sens est affaibli. De même, si on dit de quelqu'un, il a le génie des mathématiques, il a le génie des affaires, c'est à peu près synonyme de la bosse en langue familière, il a la bosse des affaires. Ça désigne une aptitude, il est très doué pour ça et puis c'est tout. Hein. Et d'ailleurs cet affaiblissement, on le sent encore plus dans l'adjectif peut-être que dans le nom, quand on dit c'est génial. C'est un effet de mode ça. Hein. Oui, surtout valable chez les jeunes d'ailleurs. Oui, parler au quotidien, c'est génial. C'est vrai.